Monsieur Cicéron, qui fut ballotté entre les Catilina et les Claudius, les Pompée et les Crassus, les uns ses ennemis déclarés, les autres ses amis douteux, qui, battu de l'orage avec la République, la retint quelque temps sur le bord de l'abîme, où il fut enfin précipité avec elle, qui, inquiet dans la bonne fortune, fut sans courage dans l'adversité, combien de fois ne maudit-il pas son consulat qu'il avait loué non sans sujet, mais sans mesure? Quelle lamentation ne fait-il pas entendre dans une lettre adressée à Atticus, au moment où, après la défaite de son père, le jeune Pompée cherchait à relever en Espagne son parti abattu? Vous me demandez, dit-il, ce que je fais ici. Je vis à moitié libre dans une maison de Tusculum. Puis, entrant dans d'autres détails, il déplore le passé, se plaint du présent et désespère de l'avenir. Cicéron se disait à moitié libre. Jamais certainement le sage ne prendra un nom si humiliant. Jamais il ne sera à moitié libre. Toujours il jouira d'une liberté pleine et entière, affranchi de tout lien, ne dépendant que de lui, supérieur à tous les autres. Car qui pourrait être au-dessus de celui qui est supérieur à la fortune ?